découvrir en radio CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie en remplacement de Marie-Claude Chiasson de Québec Sortie qui peut malheureusement pas être là ce soir, donc c'est moi qui vais la remplacer. Je vais faire aussi l'émission d'Alex Maltais, l'heure électronique. Donc vous êtes prêts avec moi jusqu'à 21h ce soir. Donc je vais vous ai trouvé de la bonne musique. Qu'est-ce que c'est Web Musique pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission? Ben c'est assez simple. Je parcours l'internet pour vous, puis je ramasse des pièces qui sont en Creative Commons, en copyleft, des fois même dans le domaine public. Qu'est-ce que c'est Creative Commons? Ben c'est des licences qui permettent de distribuer la musique gratuitement et qui indiquent aux gens que c'est ça que ça peut être distribué, ça peut être copié, ça peut être dans certains cas remixé. Mais on ne peut pas en faire un profit. Donc, c'est un peu le contraire des copyrights qu'il faut toujours demander la permission pour se servir des pièces. Avec les Creative Commons, ben c'est une licence que l'artiste met sur ses pièces et qui dit « prenez-moi et partagez-moi ». Donc, on va débuter avec une pièce qui est quand même assez longue. C'est sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette qui nous vient du Portugal. Je vais vous faire passer « Motown Junkie ». Sa pièce s'appelle Promo Live 7 2008. Motown Junkie, un artiste du Portugal qui est le fondateur de l'étiquette Phonotactics. Donc, ça me rappelle un peu la trame sonore, mettons, de Impossible Mission, la vieille télésérie. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la même chose. On part tout de suite avec ça. Motown Junkie, la pièce Promo Live 7 2008. Thank you. Out into the great distances we go. Out into the spiraling galaxies. Out into other universes so vast that it takes 100,000 years or more for light just to light. Blind.

que la vie n'est pas noire ou blanche, elle est grise. Bac est mort. Post-rock et musique grise, les mardis de 20h à 21h30 à l'antenne de CKRL. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie, en remplacement de Marie-Claude Chiasson, qui est un petit remplacement temporaire qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, vous avez l'émission Web Musique pour remplacer. Avant la pause, on avait Motown Junkie. C'était la pièce Promo Live Set 2008. C'est sur l'étiquette Phonotactics qui nous vient du Portugal. Motown Junkie, qui est lui-même fondateur de l'étiquette, donc. C'était une pièce quand même assez longue, un bon 27 minutes, toutes sortes d'ambiances. J'adore cette pièce. J'étais bien content de pouvoir la faire passer avec un peu plus de temps pour l'émission. C'est apprécié. Donc, on poursuit l'émission avec Rafiral Firo versus Winnie 2.0. C'est la pièce Istanbul Englouti. Ça va être suivi par Guru FX, la pièce Candlelight Session. Guru FX qui est sur l'étiquette One Bit Wonder. Pour tout de suite, Rafiral Firo versus Winnie 2.0. Thank you.

Profitez du soleil sur la terrasse de la Barberie qui est maintenant ouverte. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Savourez une de nos 8 bières proposées chaque jour au menu et profitez de notre salon de dégustation attenant à la brasserie qui dispose maintenant de plus d'espace pour vous recevoir de midi à 1h du matin, 7 jours sur 7. La Barberie, une microbrasserie fière de vous accueillir au 310 rue Saint-Roch, 522-4373. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, dans son auto? Il me fait un signe. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut me laisser passer? Wow! La courtoisie, ça fait du bien. Vous devriez essayer. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Eh ben! On est tous responsables de notre conduite. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.